dans l'odeur de rats crevés, de morts de local. Pour peu que l'on y séjourne un moment, arrivent des mots, des idées bancales. Et moi qui pensais pourtant vivre dans un air idéal. Poissons pourris pendus à mon cou, voilà la ville créature, trop imprégnée de son odeur, fera crever enfermé dans sa camisole. Voilà l'agile créature, en phase avec la nature. Elle ne manque pas d'air, évite l'heure. Elle joue les filles de l'air lorsqu'elle croise un trappeur.